Les 52 serviteurs de Dieu, français, annamite, chinois, mis à mort pour la foi en Extrême-Orient de 1815 à 1856, dont la cause de béatification a été introduite en 1840, 1843, 1857. Biographie par Adrien Launay de la Société des Missions étrangères, tome second, Teki, 1893. Extrait des pages 127 à 145. Augustin Scheffler 1822-1851, prêtre de la Société des Missions étrangères missionnaires au Tonkin occidental, décapité pour la foi le 1er mai 1851. Markham Dan Archive ORG 2024, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Cette notice a été composée d'après le sommaire du procès de béatification du Vénérable, ses lettres et les lettres de Monseigneur Rotor, évêque d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonkin occidental. Augustin Scheffler naquit en 1822, à Mittelbronn, qui, à cette époque, faisait partie du diocèse de Nancy. Nous savons peu de choses sur son enfance et sa jeunesse. Dans les renseignements qui nous ont été transmis, nous voyons seulement qu'il montra de très heureuses dispositions pour la piété et l'étude, et de très bonne heure manifesta l'intention de se consacrer à Dieu. Ses qualités suffirent pour que le zélé curé de la paroisse le distingua et l'envoya au petit séminaire de Pont-à-Mousson. L'enfant y fit preuve d'une intelligence solide, d'un caractère doux, d'un excellent esprit. Il entra au grand séminaire de Nancy en 1842, et dès la première année de son séjour dans cette sainte maison, il se sentit appelé à la vocation apostolique. Il eut quelques combats à soutenir contre les siens, qui regrettaient vivement son départ et ne comprenaient point assez la générosité de ses désirs. Confère lettre du vénérable Scheffler à sa famille, Passim. Il fit tous ses efforts pour les amener à d'autres sentiments, et se rendit au séminaire des missions étrangères, non toutefois sans ressentir une vive peine des obstacles qu'on lui avait opposés. On retrouve la trace de cette douleur dans une lettre écrite à un de ses amis, Monsieur l'abbé Stricher, vicaire à Phalsbourg, en date du 9 juin 1846. Comme on a du mal pour faire la volonté de son Dieu, de tous côtés des obstacles, si je voulais celle du démon, on me laisserait bien tranquillement me perdre, on m'appellerait même du nom de sage, mais parce que je veux un peu souffrir, avec le bon Jésus et la tendre Marie, on me traite de fou, d'enthousiaste, d'ambitieux, etc. Ô monde, que tu me pèses, quand donc serais-je délivré de tes chaînes? Oui, ce sont des peines, bien tendre ami, ce sont des peines bien cuisantes, et si l'on n'avait pas les sacrés tabernacles, l'autel de la bonne mère, on serait bien malheureux, mais un moment passé près de fait tout oublié, et l'on sort plus fort, plus généreux que jamais et prêt à tout supporter. On se dit, et cela avec confiance, oui, l'œuvre de Dieu est ici, car là seulement il y a des peines à surmonter. Aux rives de la Chine, que ne puis-je déjà vous baiser et vous mouiller de mes larmes? À quelques-unes de ses parentes qui émettaient des doutes sur sa vocation, il disait, « Persuadez-vous donc bien que si je pars, c'est que je suis aussi certain qu'on peut l'être de sa vocation, et que Dieu m'appelle dans les missions. Le bonheur et la paix que je ressens actuellement m'en sont encore une preuve bien certaine. » Confère lettre à Miles Klein et Scheffler. Après son diaconat, il écrit à un ami, « Maintenant que je viens de recevoir l'Esprit Saint, je ne crains plus rien, et je passerai sur le corps de mon père et de ma mère. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37, dit le Sauveur, et je suivrai ce précepte ou ce conseil comme vous voudrez, mais pour moi, c'est un précepte, je le suivrai coûte que coûte, confère lettre à Monsieur l'abbé Stricher. Ce grand désir d'émission se porte principalement vers le Tonkin, parce que la persécution y règne, et que le jeune séminariste aspire au martyr. Cependant, il s'incline avant toute chose devant la volonté de Dieu et il exprime sa résignation en ces termes. Je demande à notre Seigneur qu'il me donne l'indifférence par rapport à la mission dans laquelle je pourrais être envoyé. Généralement, on désire plus les missions où il y a encore quelques persécutions à craindre, mais pourvu que l'on soit tout le bon Dieu vous appelle, c'est l'unique chose nécessaire, et si l'on ne peut sauver qu'une seule âme, il faut être encore le plus heureux des hommes. Le sang de Jésus-Christ a aussi bien coulé pour celle-là que pour les autres. Confère lettre du 8 mars 1847 à son directeur. Cependant, ce désir du suprême sacrifice le presse et souvent il y revient dans ses lettres, par un mot ou par une phrase, « Le bon Dieu m'accordera-t-il la grâce du martyr ? Je la lui demande chaque jour. » Et ailleurs, souffrir beaucoup, mais souffrir au pied de la croix, oh cela est si doux, souffrir comme les apôtres ont souffert, qui ne serait heureux d'un pareil partage, lettre à son directeur. Enfin ses vœux sont réalisés, il reçoit sa destination pour la mission du Tonkin, et le 1er août 1847, il quitte Paris pour aller s'embarquer à Anvers. Il commence son apostolat pendant la traversée en ramenant à Dieu plusieurs matelots belges qui depuis de nombreuses années négligeaient la pratique de leurs devoirs religieux. Au commencement de l'année 1848, il était à Hong Kong, regardant avec tristesse le spectacle de cette ville, à cette époque presque entièrement peuplée de protestants et de païens et privée de missionnaires. Il y a à peu près 30 000 Chinois outre les Européens et pour eux un seul prêtre. Il faudrait travailler à la conversion de tous ces hommes, entretenir ceux qui sont déjà amis de Jésus, mais que peut faire un seul prêtre? Que de fois on est tenté de prendre une clochette à la main et de courir à travers les rues de cette ville comme Saint François-Xavier, annonçant la bonne nouvelle. Confère, lettre du 23 mai 1848 à Monsieur l'abbé Chevalier, directeur au grand séminaire de Nancy. Après quelques mois de séjour à Hong Kong où il acheva avec ses guides ses préparatifs de voyage, il partit pour sa mission et y pénétra par la foule, chrétienté chinoise située sur les frontières du Tonkin. Il fut sur le point de tomber entre les mains des voleurs, réussit à leur échapper, mais leur abandonna une partie de ce qu'il possédait. Sa joie n'en fut point diminuée, la persécution, qui désolait alors l'empire annamite, ne parvint pas davantage à le troubler, et ses premières impressions furent toutes au bonheur d'être où Dieu le voulait. Je suis enfin sur cette terre promise, objet de mes désirs, et vers laquelle vous avez su si sagement diriger mes pas. Ce n'est pas sans peine que je suis arrivé à ce but, il m'a fallu passer par bien des épreuves. Fuir la rapacité des mandarins chinois et annamites, passer presque miraculeusement sous les yeux des pirates chinois, échapper à la trahison d'un fidèle, me sauver d'une tempête. Lorsque j'avais déjà dit adieu à cette terre, voilà les tribulations par lesquelles la divine providence a bien voulu me faire passer avant de me montrer les lieux où je dois trouver la paix et le bonheur. Bien souvent, au milieu de ces peines, Une triste mélancolie s'empare de l'âme, on est heureux de pouvoir se dire je suis moralement sûr que j'ai fait mon possible pour connaître les voies de Dieu. On se réjouit alors des épreuves qu'on vous a fait subir. D'autres fois, au milieu de la tristesse, Jésus, Marie, dont on aime à prononcer les noms, inonde l'âme d'une joie que l'on n'a jamais ressentie. Confère. Lettre du 14 septembre 1848 à Monsieur l'abbé Chevalier. Depuis l'arrivée de Monsieur Scheffler au Tonkin jusqu'au moment de son arrestation, dit Monseigneur Rotor, trois choses se sont partagées tous ces jours: l'étude de la langue, les fonctions du Saint Ministère et la maladie. L'étude de la langue. Il s'y était livré avec une grande ardeur et de très heureux succès. Au bout de 5 ou 6 mois, il pouvait facilement entendre les confessions et faire quelques instructions aux chrétiens. Il commençait à se livrer à l'étude des caractères chinois, dont la science, sans être indispensable, est néanmoins d'une très grande utilité. Pour cela, il avait fait copier tous les caractères du gros dictionnaire de De Guignes, et il en avait ensuite transcrit toutes les significations. Monsieur Scheffler était avec moi dans la belle visite pastorale que je fis à Kébang, en 1849. Vers le mois d'octobre, il s'achemina vers la province de Xudoé, que je lui avais assignée pour district. Xudoé contient environ 16 000 chrétiens, distribués dans 4 paroisses, qui s'étendent sur une immense étendue de terrain, formée en partie de montagnes et de vastes forêts. Vous jugerez des succès apostoliques de M. Scheffler par son catalogue annuel d'administration, baptême d'enfants d'infidèles, 200, d'enfants de chrétiens, 41, d'adultes, 23, confession, 4707, communion, 3351, viatique, 59, extrêmes onctions, 125. C'est là un beau travail pour un jeune missionnaire qui, pendant plusieurs mois de l'année dernière, avait eu la fièvre, car, depuis que M. Scheffler était ici, la maladie lui avait rendu de bien fréquentes visites. 3 fois il a failli mourir entre mes bras. Cependant, quand je l'envoyais à Douai, il paraissait jouir d'une santé florissante, il tressaillait de joie d'aller au loin, dans un pays où vivent plusieurs peuples à auxquels la foi n'a pas encore été prêchée, et qu'il brûlait du désir d'évangéliser un jour. Confère lettre du 25 mai 1851 conservée dans les archives des missions étrangères et citée dans le sommaire du procès de béatification. Les chrétiens qu'il gouverna ont rendu de lui ce témoignage. Le père Scheffler était très fervent, même quand il était malade, il se raidissait contre la maladie pour prier et célébrer la Sainte Messe. Il était toujours vêtu très simplement, il était très bon envers ses servants et les chrétiens, il prêchait avec zèle et ne craignait pas de se fatiguer pour encourager les tièdes. Il les faisait venir près de lui et chargeait ses catéchistes de les assister et de les instruire. Ses travaux n'avaient point fait oublier au jeune prêtre ses désirs d'autrefois. Le martyr lui apparaissait toujours comme la plus glorieuse et la plus belle des destinées, lorsque tu dus que signer l'édit de persécution générale. Monsieur Scheffler eut cette belle et pieuse parole. Le petit coup de sabre serait-il réservé à quelqu'un d'entre nous? Oh quelle grâce! Jusqu'ici je n'ai osé la demander, mais maintenant mon bon père, chaque jour au saint sacrifice, j'offre mon sang à Jésus pour celui qu'il a versé pour moi. Oh qu'il est doux de présenter un petit verre de sang à Jésus. Confère lettre à Monsieur Chevalier du 14 septembre 1848. Notre Seigneur, qui avait déjà exaucé ses souhaits d'aller prêcher l'évangile au Tonkin, écouta également son vœu d'obtenir le martyre. Ayant reçu, vers la fin de février 1851, la lettre pastorale du vicaire apostolique qui publiait le jubilé, il jugea bon d'aller d'abord l'ouvrir dans les paroisses supérieures de son district qu'il n'avait pas encore visité. Après avoir terminé l'administration de la grande chrétienté de Bono, il se disposa à se rendre à une station voisine. Cette région était alors infestée par les rebelles et les pirates, et une police spéciale avait été créée pour mettre fin à leur brigandage. Ce fut au chef de cette police que le missionnaire fut dénoncé par un habitant de Bono, qui, pour compléter son crime, se fit lui-même son guide. La route de Bono, au hameau, que, voulait gagner le proscrit court par un sentier tortueux au milieu de monticules déserts. Elle est bordée de buissons et de bambous. Des satellites furent disséminés derrière les arbres et dans les ravins, avec ordre de se saisir de tous ceux qu'ils ne connaîtraient pas personnellement. Un prêtre indigène, le père Fu Yuang, et deux élèves, compagnons de Monsieur Scheffler, quittèrent les premiers Bono, allant en éclaireur. Tout d'un coup, ils sont assaillis. De chaque buisson sort un soldat qui se jette sur eux et les fouille. La custode, les saintes huiles et un livre de prière sont trouvés. Évidemment, l'opération commençait bien. Ces hommes étaient les disciples de l'Européen. Celui-ci allait bientôt venir. Les satellites reprirent leur poste d'observation. Quelque temps après, Monsieur Scheffler parut en effet accompagné d'un de ses catéchistes et de quelques chrétiens. Des chasseurs l'ayant averti de l'embuscade, il essaya de se cacher dans les broussailles. Il était sur le territoire de Tan Mai. Celui de ses guides qui le trahissait lui demanda son turban sous un prétexte quelconque. Puis il disparut. À ce moment même, les satellites apparurent et entourèrent le prêtre, aucun d'eux n'osant porter la main sur lui, leur chef commanda « Frappez-le !»« À quoi bon ? » dit-il, « je ne veux pas fuir. » Cependant avant de livrer le prisonnier au mandarin supérieur, le chef de la police du canton lui offrit de se racheter, exigeant pour sa rançon une barre d'or et 100 barres d'argent. La barre d'or vaut environ 1400 francs et la barre d'argent environ 80 francs. Le missionnaire affirma qu'il ne possédait pas cette somme et ne pourrait la recueillir. Le païen fut inflexible. « Eh bien, fit le captif, puisque vous exigez absolument cet argent, délivrez mes quatre disciples. Eux seuls savent où ils pourront le prendre. » La réflexion parut juste, et les prisonniers furent mis en liberté. Monsieur Scheffler, se voyant alors seul, sans aucune personne compromise à son occasion, en ressentit une vive joie, et il engageait ceux qu'il avait pris à le livrer promptement au mandarin. Dans cette même nuit, le prêtre Anamite emprunta une dizaine de bars, et il les apportait comme un acompte, sauf à faire des billets avec caution pour le reste de la somme, dont on ne pouvait obtenir remise, quand, avant d'arriver au village où était le captif, il rencontra des chrétiens qui en revenaient. Ceux-ci l'avertirent de la mauvaise foi du chef de la police résolu à l'arrêter de nouveau, à garder l'argent et à livrer le missionnaire au mandarin. Le prêtre revint sur ses pas, et il fit bien, car les chrétiens étaient exactement renseignés. Après avoir été conduit à la sous-préfecture de Nolam où il ne resta qu'une demi-journée, Monsieur Scheffler fut emmené à son thé. En partant, il dit à un chrétien « Que les fidèles soient sans inquiétude, je ne dénoncerai personne. À son thé, il subit, en présence des grands mandarins, un interrogatoire judiciaire sur son nom, sa patrie, son âge, sa condition, la raison de sa présence au Tonkin, sur ce qu'il avait fait depuis son arrivée, les villages qu'il avait habités et les lieux qu'il avait parcourus. On le somma de dire à qui appartenaient les objets religieux trouvés sur lui et sur ses catéchistes, on lui demanda si, avant de venir dans ces contrées, il savait que la religion chrétienne y était strictement défendue. L'apôtre répondit qu'il se nommait Augustin, qu'il était français, originaire du diocèse de Nancy, prêtre de la religion catholique, âgé de 29 ans, qu'il était venu au Tonkin pour y prêcher l'évangile, que depuis son arrivée, il s'était occupé de cette unique fonction, qu'avant de quitter la France, il savait fort bien que la religion catholique était sévèrement prohibée en Annam et que les prédicateurs y étaient mis à mort. Et précisément cette considération l'avait engagé à se diriger vers ces pays plutôt qu'ailleurs. Il avait parcouru plusieurs provinces, habité dans plusieurs maisons dont il ne se rappelait pas clairement les noms, et d'ailleurs, se les rappela-t-il, il ne les dénoncerait jamais. Conféra, lettre de Monseigneur Retor. Le lendemain matin, les mandarins lui firent subir un second interrogatoire sur les mêmes questions, et il leur fit les mêmes réponses. On lui commanda de fouler la croix au pied, il s'y refusa énergiquement. Le même jour, 5 mars, le grand mandarin écrivit son rapport au roi et l'expédia aussitôt à la capitale. À cette pièce était jointe la sentence de mort qui était ainsi conçue. Après avoir pris conseil des deux premiers employés des tribunaux civils et criminels, voici le jugement que nous avons rendu. Le sieur à Hautudine, Augustin, est un Européen qui a eu l'audace de venir, malgré les lois, parcourir ce royaume, pour y prêcher la religion, séduire et tromper le peuple, ce dont il a été clairement convaincu dans l'examen de sa cause. Il convient de suivre envers lui le décret du roi. Que le sieur Augustin ait donc la tête tranchée et jetée dans les eaux de la mer ou des fleuves, pour instruire le peuple et l'empêcher d'embrasser cette nouvelle doctrine. Quant à ceux que ce scélérat a enseignés, et aux maisons qui lui ont donné asile, il les aime si ardemment que jamais il n'a voulu nous les faire connaître, malgré toutes nos questions. Celui qui l'a arrêté n'a pu nous donner aucun renseignement précis sur ce point, et si l'on prenait de rigoureuses informations, assurément beaucoup de personnes seraient impliquées dans de grands ennuis. C'est pourquoi nous demandons que, suivant le rapport du Conseil privé, il ne soit fait aucune investigation ultérieure. Quant aux maires et aux autres personnes qui ont découvert et arrêté ce prêtre, nous prions qu'on leur donne pour récompense et encouragement les 300 taels promis par le décret du roi. Le mandarin militaire, qui a ordonné les recherches, nous semble aussi digne d'éloge et de rémunération. Nous attendons les ordres de Sa Majesté, et nous nous y conformerons. Quant aux objets qui ont été saisis, nous demandons qu'ils soient brûlés. Tel est l'examen que nous avons fait de cette affaire et le jugement que nous en avons porté. Plein de respect, nous en faisons notre rapport à Sa Majesté, et courbés jusqu'à terre, nous attendons ses ordres. Depuis l'envoi de cette pièce à Hué, M. Scheffler ne fut plus soumis à aucune question, il ne reçut pas de coup de rotin et n'eut pas les honneurs de la cage. Enfermé dans la geôle des condamnés à mort, il fut confondu avec les autres prisonniers, la Kangoku est laissé paupier jour et nuit. Quelque pénible que dût être cette position, il parut toujours joyeux et content de son sort. Cependant, les missionnaires avaient songé à adoucir les rigueurs de sa captivité. Dès que Monseigneur Rotor eut appris son arrestation, il expédia un de ses chrétiens lui porter une lettre d'encouragement et de consolation, avec l'argent nécessaire pour subvenir à ses besoins et lui gagner, par quelques présents, les bonnes grâces des mandarins. L'envoyé put lui faire parvenir la lettre, le voir et en être vu, mais il ne put lui parler. Il réussit encore à obtenir qu'il fût placé dans une pièce de l'appartement du geôlier, attenant à la prison. Là, le confesseur jouissait d'une véritable tranquillité, il n'était pas mis au cep, pouvait se promener dans la cour et se distraire en causant avec les soldats de garde, qui étaient pour lui pleins d'égards et de respect. À plusieurs d'entre eux, il parlait du catholicisme et les exhortait à l'embrasser. « Je me souviendrai de toi après ma mort, » disait-il aux soldats chiites, « et si tu veux être vraiment heureux, tu chercheras un village habité par les chrétiens, et tu te convertiras. » Le soldat crut à la parole de l'apôtre, prisonnier de Jésus-Christ, et quelque temps après, il se convertit. Monsieur Scheffler était néanmoins toujours soumis à une surveillance sévère, et d'après les ordres du grand mandarin, il était strictement défendu de laisser les personnes du dehors parvenir jusqu'à lui, car on craignait que les chrétiens ne l'enlevassent par force ou par ruse. Une pieuse néophyte lui préparait régulièrement ses repas, mais il ne lui était pas permis de le servir elle-même. Elle remettait les aliments aux gardiens qui les apportaient aux prisonniers. Malgré la sévérité des gardes, un catéchiste, déguisé en soldat, put s'introduire deux ou trois fois dans la cour. Le maître et le disciple se regardèrent, mais ce fut tout. Quand ils sentirent qu'ils ne pourraient plus tenir contre l'éloquence de ce langage muet, ils se séparèrent pour cacher leur émotion. Un chrétien obtint de l'officier de service la permission de saluer le père et de lui offrir quelques fruits en présent, mais à la vue du missionnaire prisonnier, il fondit en larmes, le grand mandarin qui vint à passer, s'en étant aperçu, changea immédiatement l'officier en lui faisant une forte réprimande, et renouvela l'ordre de ne laisser entrer aucun catholique. Malgré la surveillance, un prêtre annamite, qui se travestit en marchand de lunettes, réussit à s'approcher du captif et le confessa. Ainsi, se passa pour l'apôtre un mois entier. Le 11 avril, le décret royal arriva de la capitale, en voici la teneur. Cachet rouge. Nous avons vu le rapport qui nous a été fait sur l'arrestation d'un prêtre européen, dans la province de Sontay. Les lois du royaume, publiées pour instruire le peuple et lui inspirer de la crainte, défendent très sévèrement la religion de Jésus, et cependant, le sieur Augustin, prêtre de cette religion, a osé pénétrer clandestinement dans nos états pour la prêcher en secret et par la séduire et tromper le peuple. Arrêté, il a reconnu la vérité du fait, il a tout avoué. Que le sieur Augustin ait immédiatement la tête tranchée et jetée dans les eaux du fleuve pour l'extirpation des méchants. D'après cet ordre, le missionnaire aurait dû être aussitôt exécuté. Mais pour un motif que nous ignorons, il en fut autrement. Le grand mandarin lui ôta sa canque pour lui mettre une chaîne assez légère, il le fit sortir des appartements du geôlier et l'emmena au mandarinat. Il s'entretenait souvent avec son prisonnier, lui témoignait beaucoup d'estime et de respect, l'entourait de grands égards et manifestait un vif regret de le voir dans cette position. Néanmoins, il ne permettait à personne de lui parler, Et c'est à cause de cette surveillance excessive que Monsieur Scheffler n'a pas osé écrire une seule lettre, quoiqu'il ait pu en recevoir plusieurs. Enfin arriva le jour fixé pour l'exécution, le 1er mai. Vers midi, le grand mandarin ordonna de convoquer deux régiments et de tenir près des éléphants, des chevaux, des fusils chargés. Cet appareil était préparé pour conduire le prêtre au supplice. Craignant un soulèvement des chrétiens qui auraient pu essayer d'arracher le missionnaire à la mort, on avait voulu les intimider par ce grand déploiement de troupes. Quand l'ordre fut donné d'amener le prisonnier, tous les employés du mandarinat et ses compagnons de captivité témoignèrent une véritable douleur. Monsieur Scheffler, au contraire, voyant arriver l'heureux moment de descendre dans l'arène, en ressentit une joie inexprimable. Il jeta au loin ses sandales pour marcher plus à l'aise et aller plus vite à la mort. L'escorte passa devant la porte de l'est, sortit par la porte du nord, et prit la route du Safran. À quelques pas en avant du confesseur, un soldat portait, élevé en forme d'étendard, une petite planchette sur laquelle on lisait en gros caractères. Malgré la sévère défense portée contre la religion de Jésus, le sieur Augustin, prêtre européen, a osé venir clandestinement ici pour la prêcher et séduire le peuple. Arrêté, il a tout avoué. Son crime est patent. Que le sieur Augustin ait la tête tranchée et jetée au fleuve 5e année de Tuduc, premier de la lune. 8 soldats. Le sabre à la main, se tenait aux côtés du condamné. Deux compagnies, chacune de 50 hommes, marchaient en rang sur deux lignes, et deux éléphants formaient l'arrière-garde. Le héros de la foi marchait triomphalement au milieu de cet imposant cortège. Il s'avançait le visage brillant, la tête haute, tenant d'une main sa chaîne relevée et récitant de ferventes prières. Dans la foule immense qui l'entourait, si quelques-uns lui jetaient des paroles insultantes et faisaient sur son compte de grossières railleries, la grande majorité était saisie d'admiration. Quel héros! Disaient les païens, il va à la mort comme les autres à une fête. Quel courage! Pas le moindre signe de frayeur. Quel bel homme! Quel air de bonté et de douceur! Pourquoi le roi égorge-t-il de pareils hommes? Pendant la route, le ciel se couvrit de gros nuages, et les mandarins, habitués à voir dans les signes extérieurs une approbation ou un désaveu de leurs actes, se dirent entre eux, le ciel se manifeste en faveur de cet homme. Arrivé au lieu du supplice, en face des cinq arpents, de l'autre côté de la grande route, le martyr se mit à genoux et pria le temps nécessaire pour réciter 3 dizaines de chapelets. Puis il prit dans ses mains un petit crucifix qu'il portait sur lui et le baisa 3 fois avec une pieuse émotion. Sur l'invitation du bourreau, il se releva, quitta sa tunique et rabattit sa chemise sur ses épaules avec aisance et promptitude. L'exécuteur lui ayant lié les mains derrière le dos, il s'agenouilla, leva les yeux au ciel et dit « Faites promptement ce que vous avez à faire. » « Que dit-il ? » « Que dit-il ? » demanda à l'officier qui présidait à l'exécution. « Il me dit, » répliqua le bourreau, « de faire promptement mon affaire. » « Non pas » répliqua le mandarin, « suivez le signal de la cymbale, et ne frappez que 3e coup. » Mais la main du bourreau tremblait. Ce ne fut qu'après avoir frappé 3 fois qu'il trancha la tête du condamné. Il fut même obligé de scier les chairs avec son sabre. Aussitôt les assistants se précipitèrent pour recueillir le sang du martyr. Tous, païens pour la plupart, se disputaient ses habits, son turban, la corde qui avait lié ses mains, On se partageait ses reliques, on les coupait pour en avoir une parcelle, on arrachait jusqu'aux herbes humides de sang. Cependant, après l'exécution, le bourreau avait pris la tête pour la jeter dans le fleuve qui coule sous le rempart de la ville de Sontay. Comme les cheveux étaient trop courts, il l'a portée par la barbe, mais, les poils s'étant brisés, la tête roula dans la boue. Un chrétien la ramassa, l'essuya soigneusement, et exprima le désir de la conserver. Le soldat n'y voulut point consentir, il prit une barque, s'avança jusqu'au milieu du fleuve et y jeta le chef précieux, que, malgré tous leurs efforts et toutes leurs recherches, les chrétiens ne retrouvèrent pas. Le corps fut enseveli et déposé dans un beau cercueil préparé d'avance. Inhumé sur le lieu même de l'exécution, il fut placé sous la garde des soldats qui veillèrent tout le reste du jour et la nuit suivante. Dans la nuit du 2 au 3 mai, le poste ayant été supprimé, de pieux néophytes exhumèrent les restes du martyr, et les emportèrent furtivement dans une chrétienté voisine à Bakloc où ils furent enterrés dans la maison du maire chrétien, Ngoc. Confère lettre de retour. Ils sont encore à Pachloc. Celui-ci ne tarda pas à éprouver les vertus bienfaisantes du corps qui reposait sous son toit. Depuis longtemps malade de la gravelle et très attristé de n'avoir pas d'enfant, il eut bientôt la joie de recouvrer une santé parfaite et d'être père d'un fils. La main de Dieu, au contraire, s'appesantit sur les païens qui avaient pris part à l'arrestation de M. Scheffler ou sur leur famille. Le chef de la patrouille, nommé Si, perdit un fils un mois après cet événement, lui-même tomba dans une extrême misère. Le sous-chef de canton, nommé Dean, après avoir reçu la prime promise par le roi, se rendit chez les sauvages et mourut quelques semaines plus tard. Sa femme et ses enfants furent réduits à la mendicité. Ces faits et bien d'autres, qui se produisirent souvent, frappèrent l'imagination des anamites, et on les entendait répéter « Malheur à qui arrête un prêtre ». Explication du tableau qui représente le martyr. Ce tableau renferme quatre scènes. Premièrement, trois rangs de soldats, armés de sabres, de fusils, de lances, entourent le vénérable Scheffler. Deux mandarins, montés sur des éléphants, président à l'exécution. Deuxièmement, le vénérable Scheffler, à genoux, les bras liés derrière le dos, les yeux levés au ciel, la joie éclate sur son visage, il est dans l'attitude de la contemplation et du ravissement, il est nu jusqu'à la ceinture. Troisièmement, un des quatre bourreaux qui se tiennent près de lui l'a déjà frappé, mais d'une main tremblante. Aussi la tête du vénérable martyr ne tomba telle que troisième coup. Quatrièmement, dans le lointain, on aperçoit les murs de Sontay. Voilà donc comment se font ici les martyrs, un imposant cortège de mandarins sur leurs éléphants et de soldats sous les armes, un grand concours de spectateurs de tout genre, et au milieu de cet appareil, un jeune apôtre. Le cœur enflammé d'amour, les mains liées derrière le dos, les yeux élevés vers le ciel où il lui tarde de s'élancer, un prêtre français d'une instruction brillante, d'une haute vertu, à genoux sur la terre et près de lui le bourreau qui brandit son sabre pour lui trancher la tête. Oui, messieurs, voilà comment se font ici les martyrs. Peut-être les connaisseurs trouveront-ils ce tableau peu conforme aux règles de l'art, car il est l'œuvre d'un artiste qui n'a jamais étudié la peinture ni dans les livres ni à l'école d'aucun maître. Mais peu vous importera la beauté du travail, c'est le sujet en lui-même qui fixera votre pieuse curiosité, vous apprécierez aussi l'intention de celui qui vous l'envoie, comme un faible témoignage de reconnaissance pour l'intérêt que vous avez toujours porté à sa mission. Extrait d'une lettre de Mgr Rotter, Annales Propagation de la Foi, volume 25, page 82.